j'ai compris, il me manque toi, mon alter ego. Tu es parti, mon ami, tu m'as laissé seul ici, mais partout tu me suis. Il manque.